des semaines, vous entendez parler, comme certainement jamais auparavant, d'immunité, d'anticorps, de vaccination, de protéines de surface, de tempêtes de cytokines et de lymphocytes. Et bien pour cette reprise de la méthode scientifique en direct, nous nous sommes dit qu'il serait bon de revoir ensemble toutes ces mécaniques immunitaires, de façon à comprendre ce qui est à l'œuvre avec ce nouveau virus, mais aussi quels sont les espoirs et les impasses de la recherche. Que se passe-t-il quand notre organisme rencontre un pathogène totalement nouveau? Quelle est l'importance, peut-être sous-estimée, de la réponse immunitaire cellulaire dans la lutte contre l'infection? Autant de questions que nous avons abordées aujourd'hui méthodiquement. Immunité, l'inné ou l'acquis, c'est le programme défensif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue pour ce retour de la méthode scientifique en direct. Et permettez-moi de vous dire pour commencer qu'après 2 mois d'absence, eh bien c'est avec un plaisir certain et non dissimulé que je vous retrouve toutes et tous en direct du studio de France Culture, dans des conditions encore bien entendu modifiées hein, par les indispensables mesures de distanciation sociale. Pas de retour du Journal des Sciences pour le moment, avec des invités qui sont avec moi, mais en ligne depuis chez eux. Et j'ai d'ailleurs le plaisir pour cette première émission de recevoir Alain Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital Necker, enfant malade à Paris, professeur au Collège de France et chercheur à l'Institut Imagine. Et Éric Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'immunologie à Aix-Marseille, praticien hospitalier à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, également directeur scientifique d'Innate Pharma et coordinateur du cluster Marseille Immunopole. En revanche, eh bien, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On va commencer par une archive, puisque le titre de cette émission, c'est immunité innée et immunité acquise. Mais vous allez voir que cette terminologie n'a pas toujours été en vigueur. Nous remontons quasiment 60 ans jour pour jour auparavant, le 13 mai 1959, dans l'heure de la culture française. Il faut rapprocher l'immunité dans les maladies à virus de phénomènes curieux que l'on groupe sous le nom général d'interférence. L'immunité vraie est un phénomène actif qui demande la participation de l'organisme et qui exige pour son établissement un certain délai qui, suivant les cas, varie de 1 à 3 semaines. Les phénomènes d'interférence sont au contraire immédiats, ou presque. Il peut s'agir là d'un phénomène de blocage. Par exemple, si on injecte dans un œuf de poule fécondé des doses élevées de virus inactivé de la grippe, celui-ci se fixe sur les récepteurs des cellules sensibles et quelques heures plus tard, si l'on essaye d'infecter l'œuf avec un virus actif, l'expérience échoue. Ce peut être aussi un phénomène de prémunition qui consiste à acclimater dans l'organisme un germe atténué pour barrer la route à un germe virulent. Voilà, nous sommes donc en 1959 sur la radiodiffusion française. Un mot, peut-être une réaction libre l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Alain Fischer ? Oui, ben interférence, c'est le début de l'aventure de substances dont on va sûrement reparler, que sont les interférons, qui sont une série de protéines que nos cellules produisent lorsqu'elles sont infectées par un virus et qui jouent un rôle de premier plan et en première ligne dans l'immunité antivirale. Donc c'était 1959, c'est la date du découvert de cette activité biologique à l'époque, l'interférence. Éric Vivier. Oui, bah tout à fait. On va certainement parler des deux grandes lignes de défense immunitaire, hein, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et là, effectivement, comme Alain vient de le dire, l'interféron, c'est un des exemples même des actions effectrices de l'immunité innée contre des infections virales en particulier. Alors, on va revenir évidemment. Effectivement, j'ai dit immunité acquise. On dit plutôt aujourd'hui immunité adaptative. On va s'en tenir à cette terminologie tout au long de cette heure. Peut-être pour commencer et garder un lien avec l'actualité du SARS-CoV-2, on a douté. Il reste peut-être encore des doutes aujourd'hui sur le fait que le SARS-CoV-2 produise justement une immunité adaptative, c'est-à-dire qu'elle produise des anticorps qui nous défendent contre ce virus. Éric Vivier. Alors, on se pose des questions, on se pose des questions parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Il faut bien se rendre compte qu'on est en face d'un nouvel objet, hein, d'un nouveau virus. Alors, on peut essayer, évidemment, et c'est ce qu'on fait, de profiter de tout ce qu'on sait, de notre connaissance de l'immunologie antimicrobienne et antivirale en particulier. On peut aussi profiter de tout ce qu'on sait de la biologie des virus ARN. Néanmoins, c'est quand même un nouvel objet. Et donc, il nous faut des données nouvelles. Et il se trouve que les données sur l'immunité post-infection par SARS-CoV-2 sont en train d'arriver, mais ne sont pas toutes consolidées. La recherche et la connaissance de manière générale, bah, ça demande du temps, et en particulier des tests qu'on aurait pu imaginer comme étant très faciles à mettre en place, hein, qui sont des tests de sérologie pour essayer de voir, enfin, pour véritablement tester si un individu a été infecté par le virus ou pas, et s'il a développé une immunité protectrice contre ce virus. Eh bien, ces tests, en fait, surprenamment, me semble-t-il, ne sont pas encore là. En tout cas, on n'a pas des données consolidées avec ces tests. Et donc, on n'a qu'une vision partielle de cette partie de l'immunité, qui est l'immunité des lymphocytes B, basée sur les anticorps. Maintenant, il y a une autre partie de l'immunité sur laquelle, à ma connaissance, il y a encore moins de données, hein, qui est l'immunité des lymphocytes T, qui, eux, peuvent lutter contre le virus, mais de manière différente, hein, en tuant les virus, hein, en tuant les cellules, pardon, infectées par les virus. Et là encore, on a besoin de données. Donc, bah voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Alain Fischer, on sait, hein, qu'il y a bien une réponse humorale, c'est-à-dire qu'il y a une production d'anticorps. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure ces anticorps protègent et pour combien de temps. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, je crois qu'on peut dire que toutes les personnes immunocompétentes qui sont infectées par le virus finissent par développer des anticorps, des IgM puis des IgG. Ça prend un temps variable d'un individu à l'autre, mais ça, c'est établi. Et ce qui n'est pas établi, et ça rejoint ce qui était dit à l'instant par Éric Uvier, c'est l'effet qu'on ne sait pas encore très bien si les anticorps produits sont protecteurs, c'est-à-dire s'ils neutralisent le virus. Donc il y a des tests qui sont en train d'être développés, dits de neutralisation, qui permettent de savoir si les anticorps empêchent, dans des systèmes plus ou moins artificiels, l'entrée du virus dans des cellules. Donc ça, c'est le premier élément d'information encore manquant. Il y a quelques données qui suggèrent que de tels anticorps existent, mais est-ce qu'ils existent chez tous les patients qui sont infectés? On ne le sait pas. Et la seconde question, où par définition, ça va prendre encore plus de temps pour répondre, c'est de savoir combien de temps une immunité sera protectrice. Alors, il y a quelques notions pour d'autres coronavirus, mais on ne sait pas si c'est 6 mois, 2 ans, 3 ans, ou pourquoi pas, si on veut être un peu plus optimiste, plus longtemps. Alors justement, puisque vous l'évoquez, Alain Fischer, on fait souvent la comparaison avec les deux coronavirus les plus récents qui ont conduit à des syndromes respiratoires, le COV-1, qui est à l'origine de l'épidémie de SRAS en 2003, puis le MERS-CoV. Comment se fait-il que, malgré la proximité, je crois, génomique très grande entre ces virus, pourquoi est-ce que la comparaison n'est pas opérante, Alain Fischer? Le proximité n'égale pas, il y a identité. Le virus le plus proche du SARS-CoV-2, donc c'est le SARS-CoV-1, mais ils n'ont que 80% d'identité, donc ça fait quand même beaucoup de différence. D'ailleurs, ils ne provoquent pas la même infection, même s'il y a quelques points communs. On sait qu'il y a un tout petit peu de réactivité croisée, c'est-à-dire d'anticorps reconnaissant la spicule, la protéine extérieure du COV-1, qui reconnaissent aussi le COV-2, mais c'est plutôt minoritaire. Donc, séquences différentes, antigènes différents, anticorps différents, immunités différentes, c'est toute la complexité de l'immunologie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h10, bientôt retour donc de la méthode scientifique en direct du studio de France Culture. Nous parlons d'immunité en compagnie d'Alain Fischer et d'Éric Vivier. Alors, on va reprendre un peu toutes ces notions parce que c'est vrai qu'on s'est habitué à les entendre dans les médias. On s'est, pour certains d'entre nous, habitué à manipuler ces notions. Mais c'est peut-être intéressant de recomprendre et de poser bien ce qu'est aujourd'hui une réaction immunitaire face à un pathogène. Peut-être qu'on peut commencer par le début, Éric Vivier. On dit immunité acquise dans un premier temps, immunité innée, oula, ça commence bien. Immunité innée dans un premier temps, immunité acquise ou adaptative dans un second. Qu'est-ce que c'est que l'immunité et quelle barrière ça constitue finalement pour le corps face à une grande majorité de pathogènes? Bon, il y a plusieurs notions qui me semblent intéressantes à reproposer à tout le monde et j'imagine qu'Alain les complétera. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que tous les animaux possèdent ce qu'on appelle une immunité innée, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui sont largement réparties à l'intérieur de l'organisme, dans la peau, dans les autres épithéliums, par exemple à l'intérieur du tube digestif, mais aussi à l'intérieur d'autres tissus, quelquefois aussi, souvent d'ailleurs, dans les organes lymphoïdes, dans la lymphe, dans le sang, et ces cellules assurent globalement une première défense immunitaire. Et encore une fois, comme j'ai dit, on retrouve ces cellules de l'immunité innée, alors selon des coloris, selon des variétés différentes en fonction des espèces, mais on les retrouve chez toutes les espèces de métazoaires d'animaux. Il s'est passé quelque chose d'important il y a 550 millions d'années, c'est que les vertébrés sont apparus et à ce moment-là va se développer de manière concomitante une deuxième forme d'immunité, d'immunité adaptative, qui est l'immunité des lymphocytes. Et en particulier des lymphocytes T, qui sont des orchestrateurs de la réponse immunitaire et qui peuvent tuer aussi des cellules infectées par des virus, comme on y reviendra certainement, et puis de l'autre côté, les lymphocytes B, qui vont produire des anticorps. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une chorégraphie extrêmement précise, des allers-retours dans les deux sens, entre cette immunité innée et cette immunité adaptative. Au départ, on pensait que l'immunité innée était totalement non spécifique et qu'elle réagissait de la même façon, quel que soit l'intrus, on va dire l'antigène, pour faire simple, qui pouvait envahir un organisme donné. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas, qu'il y a une spécificité, bien évidemment, qui est donnée, qui est conférée par des récepteurs de surface qui peuvent reconnaître tel ou tel produit, par exemple, de microbes, que ce soit de virus ou de bactéries ou de champignons. Et suite à cette première détection de quelque chose de différent, eh bien, l'ensemble de ces cellules de l'immunité innée peuvent produire des molécules. On a parlé tout à l'heure de l'interféron, des interférons de type 1, mais d'autres cellules qui sont des lymphocytes, par exemple, et qui sont des lymphocytes de l'immunité innée, qui sont les cellules natural killer, elles vont pouvoir, suite à la détection d'autres types d'invasions, par exemple des cellules tumorales ou des cellules infectées par des virus, non pas simplement sécréter des cytokines, mais aussi tuer les cellules qui sont infectées par des virus ou qui sont des cellules tumorales. Et donc, tout cet ensemble assure ce qu'on appelle une première ligne de défense immunitaire. Allez-y, je vous laisse terminer, allez-y, bien sûr. Une deuxième caractéristique majeure de l'ensemble de ces cellules de l'immunité innée, c'est non seulement d'assurer cette première ligne de défense, mais aussi d'induire la deuxième ligne de défense, en particulier à travers la présentation de l'antigène, par exemple, pour quelques cellules comme les cellules dendritiques. Et donc, cette induction va permettre aux lymphocytes T, aux lymphocytes B, de rentrer en marche et de contribuer à la réponse immunitaire. Donc deux lignes de défense qui sont très coordonnées. Je vais juste préciser quelque chose parce que évidemment comme on ne se voit pas, je veux absolument pas vous couper, mais bien dire que les lymphocytes ce sont ce qu'on appelle dans le langage commun les globules blancs, que on peut quand on parle de marqueurs ou d'antigènes de surface, ce sont des petites protéines qui sont spécifiques à chaque pathogène et qui peuvent être reconnues. Je veux bien que vous pensiez parfois un peu à décrypter ou en tout cas à vous arrêter sur ces notions là. Qui permettent à tout le monde de bien comprendre de quoi il est question. Alain Fischer, peut-être qu'on peut décrire un peu ce qu'est cette réaction, cette immunité innée, parce que c'est aussi celle qu'on connaît ou que l'on peut constater très facilement de l'extérieur quand on se blesse, c'est la réaction inflammatoire, c'est ce qui devient rouge, ce qui gonfle un peu, ce qui fait un peu mal. Est-ce que vous pouvez nous réclire ce qu'est cette réaction inflammatoire, puisque ça va être très important quand on va revenir au SARS-CoV-2 tout à l'heure? Oui, alors il y a deux aspects dans l'immunité innée que Eric a décrit tout à l'heure. Il y a le fait que toutes nos cellules, pas que les cellules du système immunitaire, sont capables de déclencher très très vite une réponse immune, les cellules de la peau, les cellules de l'intestin, même les cellules du cerveau par exemple, et puis qu'elles recrutent très très vite, et ça c'est la réaction inflammatoire dont vous parlez à l'instant, elles recrutent très très vite des globules blancs qui sont très mobiles, comme le sont les polynucléaires neutrophiles et dans une certaine mesure les monocytes. Il faut voir que toutes ces cellules, enfin, à des degrés divers, sont équipées de ce qu'on pourrait appeler de capteurs, qui sont soit à la surface des cellules, soit à l'intérieur des cellules, et qui détectent donc des molécules qui proviennent de microbes. Ça peut être des sucres, des lipides, ça peut être la flagelle d'une bactérie, ça peut être les acides nucléiques des virus, ou aussi qui détectent le fait que les cellules sont stressées, sont attaquées, sont, comme on dit, en danger. Dans notre jargon, on parle de signaux de danger, et par ces capteurs, donc sont immédiatement transmis des signaux vers le noyau des cellules pour l'essentiel, qui vont entraîner extrêmement rapidement la synthèse et la mobilisation de protéines comme les interférons, l'interleukine 1 et d'autres cytokines qui créent à la fois une situation d'alerte et vont mobiliser dans un second temps ces fameuses cellules lymphocytaires qui produisent des anticorps et qui sont responsables de l'immunité cellulaire, les lymphocytes, et aussi qui directement vont agir sur les microbes, vont être éventuellement capables à travers plein d'actions différentes, par exemple de bloquer la réplication des virus. C'est peut-être aussi important de rappeler que ce qu'on appelle les cytokines, parce que on en a beaucoup parlé, notamment les matins dans la radiographie du coronavirus, les cytokines, c'est un médiateur de la réponse immunitaire, c'est-à-dire que ça regroupe, c'est une grande famille qui regroupe plein de molécules diverses qui vont justement déclencher certaines étapes de la réponse immunitaire, Alain Fischer. Absolument, il y en a toute une série. Ce sont des signaux moléculaires qui permettent aux cellules de se parler les unes aux autres, et parfois même à distance, et donc de recruter parmi une catégorie de cytokines qui s'appelle les chémokines, qui sont des substances qui attirent les globules blancs vers le lieu d'infection. Et on va en discuter sûrement tout à l'heure à propos du Covid. Elles jouent probablement un rôle important dans ce qui se passe dans le poumon des malades les plus gravement infectés. Peut-être un mot pour boucler un peu, ou pour qu'on comprenne bien ce qu'est cette réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, c'est finalement donc ce qu'on a entendu, la réaction immédiate du système immunitaire. Et quand elle se passe bien, elle est nécessaire, mais limitée, Éric Vivier. Oui, alors elle est tout à fait nécessaire, puisque en réalité, suite à une agression, on a besoin de répondre à cette agression, et quelquefois on a aussi besoin de réparer les tissus qui peuvent être lésés suite à cette agression. Et il faut savoir que la cicatrisation en particulier est la phase terminale de l'inflammation. Donc l'inflammation est absolument requise à toutes les étapes, bien sûr. Et peut-être qu'il faut, c'est intéressant de le préciser, parce que on sait que quand on est dans des états, quand on a une petite infection, quand on est dans des états un peu inflammés, on peut avoir tendance à prendre des molécules anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation. C'est vrai que je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'inflammation, c'est quelque chose qu'il faut interrompre, comme la fièvre, alors que ce n'est pas tout à fait juste, Éric Vivier. Complètement. En fait, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Encore une fois, une réponse inflammatoire, c'est une réponse qui est importante pour initier la réponse immunitaire. C'est important aussi, comme on vient de le dire, pour cicatriser les tissus. Mais point trop n'en faut. On s'aperçoit que il y a des états qui sont hyper inflammatoires. On va en parler évidemment dans le Covid, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les maladies auto-immunes qui sont caractérisées par une inflammation qui est inappropriée, entre guillemets. Ou de la même manière, l'hypersensibilité immédiate quand on est allergique au pollen, vous en parliez tout à l'heure, eh bien effectivement, il y a une réaction qui est totalement inappropriée. Le pollen n'est pas dangereux, pour reprendre le terme qu'a utilisé Alain tout à l'heure, le fameux danger de la réponse immunitaire, et pour autant, on monte une réponse immunitaire qui va être très inflammatoire et qui est complètement inappropriée. Alain Fischer, sur cette réaction inflammatoire ? Oui, tout dépend de son intensité et de l'adaptation qu'elle a à l'agent inducteur. Donc il y a des inflammations aiguës lors d'un processus infectieux, et ensuite il est même remarquable d'observer que les cellules qui sont pro-inflammatoires initialement modifient ensuite leur programme de production de protéines, leur fonction, et deviennent des cellules qui participent du processus de cicatrisation quand il est nécessaire, et de élimination des débris, etc. Comme Eric le disait tout l'instant. Le problème de l'inflammation, c'est quand elle persiste et qu'elle devient inadaptée à la réponse immunitaire efficace nécessaire à l'élimination d'une infection, ou qu'elle est inadaptée parce qu'elle est associée à un processus auto-immun, par exemple, ou à un dérèglement du fonctionnement des polynucléaires et des macrophages, comme on l'observe dans certaines maladies, maladie de Crohn dans l'intestin, par exemple, et bien d'autres. Qui sont les gros globules blancs, pour résumer à grands traits, qui sont les médiateurs de la réponse immunitaire innée. Donc ça, c'est le premier temps de la réponse immunitaire. Une fois que bien tout cet appareil a été donc déclenché très très rapidement, hein, puisque c'est une réponse qui vient en première ligne et qui est très rapide, comment se passe la transition vers cette deuxième phase de la réponse immunitaire, qui est plus lente, qui est plus longue et qui va ensuite permettre une protection aussi beaucoup plus longue dans la durée, Alain Fischer? Alors les deux systèmes se parlent, et ils se parlent à travers une catégorie de cellules clés. On appelle les cellules dendritiques, parce qu'on les appelle dendritiques parce qu'elles ont des fins dendrites, hein, tout petit peu comme les cellules du système nerveux, c'est pas tout à fait pareil. Ces cellules, en fait, elles sont présentes dans tous nos tissus, et lorsqu'elles détectent à travers l'immunité innée des signaux d'attaque, une infection par exemple, elles vont migrer vers les organes lymphoïdes, les ganglions comme on dit, au sens large des ganglions, ou ça peut être au niveau de l'intestin aussi, ou de la rate. Et là, elles vont présenter des morceaux de protéines issues, mettons, d'un microbe infectant, le Covid par exemple, enfin, le SARS-CoV-2. Elles vont les présenter à leur surface, associées à des molécules d'histocompatibilité, vous savez, les molécules HLA. Et ce complexe qui est formé d'un petit morceau d'un peptide issu d'une protéine du virus associé à la molécule HLA va être vu, littéralement vu, par un récepteur des lymphocytes T, en l'occurrence, qui sont présents au niveau des organes lymphoïdes. Ça va entraîner l'activation de ces lymphocytes T, leur transformation en cellules effectrices et leur migration, grâce à des chémokines, vers le lieu de l'infection. Donc il y a tout un processus qui prend du temps. C'est ce qui explique que cette immunité est retardée, elle prend plusieurs jours, surtout qu'elle est initiée par un tout petit nombre de cellules. Il n'y a qu'un tout petit nombre de lymphocytes T, et c'est la même chose pour les lymphocytes B qui produisent des anticorps, qui savent reconnaître très spécifiquement un petit fragment d'antigène, un peptide. Donc il faut le temps que ces cellules 1 soient activées, donc voient littéralement l'antigène, 2 ensuite se divisent un certain nombre de fois et migrent vers l'organe infecté pour que la réponse immune adaptative, cette fois-ci, prenne place. Alors, je vais essayer de le résumer. Je vais vous laisser me corriger ou me compléter, Éric Vivier. Donc, si je comprends bien, on a un certain nombre de globules blancs qui vont phagocyter, qui vont prendre, qui vont digérer en quelque sorte l'agent infectieux, mettons un virus. Et puis, certains d'entre eux vont présenter justement le petit marqueur de surface du virus à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller présenter finalement ce nouveau pathogène au système immunitaire qui va le reconnaître et qui va recruter en fonction de la forme de ce pathogène, eh bien, les lymphocytes qui vont être adaptés à cette forme, à cette petite clé cellulaire en quelque sorte, c'est cela ? Complètement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on continue à regarder la cinétique de la réponse immunitaire, eh bien là, on a véritablement un autre exemple de ces interactions dans tous les sens entre immunité innée et immunité adaptative, puisque par exemple, quand les lymphocytes B vont se mettre à produire des anticorps, eh bien c'est pas la fin de la réponse immunitaire, hein, telle qu'on peut imaginer, enfin, peut-être l'imaginer de manière intuitive, mais au contraire, c'est une étape qui est sur le chemin de la réponse immunitaire. En l'occurrence, les anticorps, certains vont être séroneutralisants, hein, comme on l'espère dans le cas du Covid, mais d'autres, et dans d'autres pathologies, ne vont pas neutraliser, par exemple, l'infection d'une cellule par un virus, mais au contraire, besoin d'autres cellules, qui sont les cellules du système immunitaire inné, en particulier des macrophages, des neutrophiles ou d'autres cellules qui portent des récepteurs pour ces anticorps et qui vont permettre d'éliminer l'agent agresseur du départ. Donc vous voyez qu'au départ, c'est l'immunité innée qui détecte, qui va avoir certaines propriétés de contrôle de l'immunité au départ, puis ensuite qui va induire une réponse immunitaire adaptative. Et ensuite, la réponse immunitaire adaptative, en particulier par la production d'anticorps, va, dans de nombreux cas, avoir besoin des cellules de l'immunité innée pour compléter la réponse immunitaire. Peut-être qu'on peut préciser, parce qu'effectivement, dans cette réponse adaptative, il y a deux grands types de lymphocytes, les B et les T, qui n'ont pas la même fonction. Peut-être que vous pouvez nous préciser comment justement réagissent ces différents lymphocytes, où ils sont sélectionnés, et puis comment se fait-il finalement que sur un pathogène complètement nouveau, le corps soit capable de trouver des lymphocytes qui vont correspondre à ce pathogène, puisqu'il est quand même nouveau et qu'il ne s'est jamais présenté auparavant à l'organisme. Alain Fischer. Oui, plusieurs questions dans votre question. Oui. je commence par la seconde. Comment se fait-il que nos lymphocytes sachent reconnaître un pathogène, un microbe qu'ils n'ont jamais rencontré antérieurement? Eh bien, c'est lié à un mécanisme très sioux que de l'évolution. C'est celui qui a été mis en place il y a 500 millions d'années, auquel Eric faisait allusion tout à l'heure, qui est une espèce de mécano-génétique qui fait que les gènes qui permettent de fabriquer les protéines qui sont les récepteurs à la surface des lymphocytes T, des lymphocytes B qui voient les antigènes, sont modifiés génétiquement pendant leur développement, de telle manière que ce mécano génère plein de récepteurs différents, donc potentiellement capables de reconnaître à peu près n'importe quoi. Je simplifie un tout petit peu, mais c'est ça l'idée. Donc potentiellement, et c'est une formidable invention de l'évolution des espèces vivantes, nous sommes capables de reconnaître, selon quelques règles précises, mais toutes ces protéiques, d'acides aminés ou aussi de quelques sucres en ce qui concerne les anticorps qui est présent dans la nature mais pas présente chez nous. Sinon c'est l'auto-immunité, c'est une autre affaire. Donc ces cellules, elles sont stockées entre guillemets une fois qu'elles ont été produites dans les organes lymphoïdes, les ganglions, et c'est là qu'elles sont activées par les cellules dendritiques qui les rejoignent et ensuite donc effectivement elles vont se différencier en cellules qui ont des fonctions différentes. Alors, pour ce qui est des lymphocytes B, on le sait, ce sont des anticorps. Donc, les anticorps agissent à l'extérieur des cellules. Ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, ils combattent, par exemple, les virus en les neutralisant, c'est-à-dire en empêchant que le virus se fixe sur la cellule dans laquelle il doit rentrer. Donc, il empêche l'infection. Il y a d'autres mécanismes. Celui auquel Eric faisait allusion tout à l'heure, c'est qu'en aidant des cellules comme les polynucléaires et les macrophages, ça aide aussi à tuer, par exemple, des cellules infectées. Ça, c'est pour les anticorps, très, très schématiquement. Pour les lymphocytes T, il y a une catégorie de lymphocytes T, ce qu'on appelle cytotoxiques. On les appelle parfois des serial killers, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer à répétition et ils tuent des cellules infectées par des virus ou par ailleurs des cellules tumorales, par exemple. Donc, si, mettons, une cellule de l'arbre respiratoire est infectée par un virus de la grippe ou bien est infectée par le SARS-CoV-2, des lymphocytes T cytotoxiques sont capables de les tuer. Et d'autres lymphocytes T, eux, produisent d'autres cytokines, on y revient, qui ont de multiples actions. Certaines aident les lymphocytes B à produire des anticorps. D'autres vont permettre aux macrophages de tuer des microbes qu'ils ont ingérés. Vous voyez, par exemple. D'autres encore vont permettre le recrutement au niveau des épithéliums, donc par exemple des poumons ou de la peau, le recrutement des polynucléaires pour que localement ils agissent pour combattre l'infection. Donc il y a toutes sortes de fonctions, et je ne suis pas exhaustif, mais qui sont déclenchées à partir d'une réponse immunitaire. Les polynucléaires, les macrophages, ce sont encore une fois ces gros globules blancs qui sont à l'origine de la phagocytose. Peut-être un mot, quels sont les mécanismes de régulation de cette immunité adaptative et à quel moment s'interrompt-elle et jusqu'à quand l'organisme va continuer à fabriquer ces lymphocytes spécifiques, Éric Vivier? Alors, il y a des mécanismes de régulation à tous les niveaux. Premièrement, sur la reconnaissance elle-même, hein, comme Alain l'a dit, il y a un système d'une beauté génétique absolue qui est celle de la diversité, enfin à l'origine de la diversité des récepteurs de l'antigène porté par les lymphocytes T et lymphocytes B, mais cette reconnaissance d'innombrables antigènes différents peut aussi s'accompagner de problèmes très importants pour l'organisme, en particulier de l'auto-immunité. Donc un premier contrôle est assuré de ce qu'on appelle de manière centrale, c'est-à-dire que les récepteurs qui vont reconnaître des molécules qu'on va dire schématiquement comme étant du soi, hein, pour faire simple, ces cellules qui portent ces récepteurs-là, qui par essence ont la propension à être auto-immuns, vont être éliminées. Donc premier niveau de contrôle sur la génération des cellules qui portent les récepteurs eux-mêmes. Et puis ensuite, des niveaux de contrôle différents tout au long de cette réponse immunitaire, où on sait qu'au départ, il va y avoir une prolifération de ces lymphocytes, comme a dit Alain, et puis cette prolifération lymphocytaire va s'arrêter, alors en partie parce que quelquefois l'antigène disparaît, et donc il n'y a plus de stimulation de ces lymphocytes, et donc on va avoir une courbe en cloche, dans laquelle il y a d'abord une augmentation des lymphocytes, puis ensuite ça diminue, et puis d'autres mécanismes régulateurs qui sont un peu plus compliqués, et en particulier, il y a des récepteurs qui sont des récepteurs inhibiteurs, qui sont devenus très célèbres il n'y a pas tellement longtemps, puisqu'ils ont été à l'origine d'un prix Nobel, hein, celui qui a été donné dans le cadre de l'immunothérapie des cancers, où on s'aperçoit que ce sont des récepteurs qui vont bloquer la réponse immunitaire. Et dans le cas du cancer en particulier, bah, c'est intéressant de libérer, hein, ces freins de telle manière à stimuler la réponse immunitaire antitumorale. Et, oui, Alain Fischer ? Oui, non, c'est bon. Je pensais que vous vouliez réagir. Une dernière question. Très bien parlé. une dernière question à ce propos. Ce qui est intéressant avec cette réponse immunitaire adaptative, c'est que elle est certes longue à se déclencher à la première rencontre avec un pathogène, mais une fois qu'elle a été déclenchée normalement, eh bien l'organisme va être protégé pendant un certain temps. Et c'est une question qu'on va reposer dans quelques instants avec le SARS-CoV-2, mais parfois toute la vie. Alain Fischer. Oui, alors c'est la mémoire immunitaire qui est la base de la vaccination, donc je pense qu'on va en parler forcément. Et alors cette mémoire, elle est variable pour un agent pathogène à un autre, donc c'est d'où les doutes concernant le SARS-CoV-2. Pour certains virus, elle peut durer toute la vie. On sait que, par exemple, les gens qui, ça se fait plus maintenant, mais qui ont reçu la vaccine, vous savez, on protégeait contre la variole, oui. Vaccine, ouais. Eh bien, on a des chercheurs ont montré que 70 ans plus tard, les personnes qui avaient été vaccinées dans l'enfance avaient toujours cette mémoire immunitaire. Par exemple, le vaccin contre l'hépatite B qui est actuellement administré aux jeunes enfants, il procure une immunité pour des dizaines d'années. Donc, ce sont des exemples merveilleux. La fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est pas mal, mais c'est quand même moins long que cela. D'accord, okay. C'est très, très variable. C'est pas mal quand même, hein, c'est plusieurs années. Mais l'hépatite B, c'est un superbe exemple d'immunité mémoire qui est à la fois liée des lymphocytes B. Donc, on sait qu'il y a certains lymphocytes B qui persistent, notamment dans la moelle osseuse, qui sont sous forme de plasmocytes, donc qui sont des lymphocytes B différenciés en cellules produisant des anticorps qui peuvent avoir une très très très longue durée de vie et qui continuent de produire des anticorps. Puis il y a aussi des lymphocytes T mémoire qui, en cas de nouvelle infection par le même microbe, immédiatement se mettent en action beaucoup plus vite que la première fois, de façon plus efficace, et vont donc agir et éviter l'infection. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence de durée de la mémoire immunitaire en fonction d'un pathogène par rapport à un autre, Éric Vivier ? Ouais, c'est une bonne question. On connaît pas tout dessus. Non, on connaît pas tout. Ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, l'antigène par lui-même ou le microbe, en l'occurrence, qui peut porter l'antigène, qui va développer justement une réponse inflammatoire qui va être de nature différente, donc à la fois qualitativement et quantitativement, et autant de paramètres qui vont influer sur la nature de la réponse mémoire par elle-même dans sa durée. Mais on ne connaît pas tout dans ce domaine. Mais Alain complétera certainement. Alain Fischer ? J'aimerais bien pouvoir compléter, mais là, j'étais très content que vous posiez la question à Éric Vivier, parce que ça, c'est vraiment un domaine qui reste encore assez mystérieux. Mais vous savez, dans la vaccination, dans la génération physiologique de la mémoire, il y a deux composants. Il y a l'antigène lui-même, donc son éventuelle persistance, sa nature, et puis l'induction simultanée d'immunité innée, on y revient, à travers les adjuvants qui peuvent être naturels ou pas naturels, et sans doute qu'en fonction du type d'immunité déclenchée associée au nombre de cellules d'immunité adaptative qui sont mises en jeu, eh bien la mémoire est plus ou moins longue. On peut dire que ça dépend aussi de la variation ou des mutations virales pour ce qui concerne les virus. Oui, ça c'est une autre question, c'est le fait que le virus il a une contre-mesure. L'exemple un des plus durs, c'est le virus de la grippe, c'est-à-dire qu'il mute beaucoup et que donc le virus qui infecte, qui chaque année donne peu ou prou une épidémie, est différent à des degrés divers du virus de l'année d'avant, donc il échappe à la mémoire parce qu'il y a de nouveaux antigènes. Donc tant qu'il y a une mémoire partagée, enfin une séquence partagée, pardon, entre l'ancien et le nouveau virus, les cellules mémoire vont être capables d'agir, mais s'il a muté suffisamment, ou il s'est transformé suffisamment pour avoir de nouveaux antigènes qui sont importants dans l'infection, eh bien la mémoire va bien moins jouer. Eh bien maintenant qu'on a fait un tour quasi exhaustif des différentes mécaniques de cette réponse immunitaire innée et adaptative, eh bien on va pouvoir commencer à l'appliquer de manière un peu plus scrupuleuse à ce nouveau pathogène qu'est le SARS-CoV-2 et comprendre eh bien ce que l'on sait et ce que la recherche nous a enseigné jusqu'à présent sur la réponse immunitaire au SARS-CoV-2. I can't really say. How come you reach peace and harmony when morning follows night so endlessly? Will you find the way to make me stronger? 'Cause each day seems to take me even deeper. Remedy sur France Culture à 16h35 pour cette reprise de la méthode scientifique en direct du studio de France Culture. Nous parlons d'immunité innée, d'immunité adaptative en compagnie d'Alain Fischer, qui est médecin à l'hôpital Necker, enfant malade à Paris, professeur au Collège de France et chercheur à l'Institut Imagine, et Éric Vivier, qui est professeur d'immunologie à Aix-Marseille, praticien hospitalier à l'assistance publique hôpital de Marseille, la PHM, je cherchais encore un peu, également directeur scientifique d'Inet Pharma et coordinateur du cluster Marseille Immunopole. Alors, j'aimerais, pour qu'on applique un peu ce tableau assez complet que vous nous avez fait de la réponse immunitaire, de ses tout débuts jusqu'à sa mémoire et à sa durée dans le temps, parler de quelque chose dont on a, que l'on a évoqué il y a peu de temps à propos de, justement, de la recherche sur le SARS-CoV-2, et notamment de gens qui seraient protégés par quelque chose qui serait une sorte de mélange entre ce qu'on a entendu de la mémoire immunitaire adaptative et de la réponse immunitaire innée. On parle d'un entraînement de l'immunité innée. De quoi s'agit-il, Alain Fischer ? Alors, c'est un concept relativement nouveau qui a été développé par un chercheur qui travaille aux Pays-Bas, qui s'appelle M. Netea, qui est roumain d'origine, enfin, peu importe, qui a observé chez des petites souris, et peut-être avec quelques données chez l'homme, même si elles sont plus fragiles, que lorsqu'on a été soumis à une forte stimulation immunitaire, une infection ou un vaccin comme le BCG, eh bien, les cellules phagocytaires, dont on a déjà parlé, les macrophages, les polynucléaires, étaient modifiés de façon durable et étaient capables, lors d'une nouvelle infection, même si ce n'était pas par le même germe, puisque ces cellules ne sont pas spécifiques dans leur reconnaissance des microbes, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les lymphocytes et les lymphocytes B, ils étaient modifiés, leur programme génétique était modifié, c'est une modification épigénétique. En fait, cette modification survient au niveau de leurs précurseurs dans la moelle osseuse, ce qui explique l'effet dur, parce que ces cellules ont une relative courte durée de vie. Donc c'est un concept assez intéressant, parce que s'il est juste, il renforcerait donc les défenses immunitaires d'une façon relativement non spécifique et pourrait être bénéfique, bien sûr, dans des tas de circonstances d'infection. Maintenant, il faut être extrêmement prudent. S'il y a des données expérimentales qui sont assez convaincantes, pour l'instant, de mon point de vue, je suis curieux de voir ce qu'en pense Eric, mais de mon point de vue, les données chez l'homme sont extrêmement fragiles. Eh bien, on va entendre votre opinion, Éric Vivier. Je peux préciser juste qu'on en a parlé notamment parce que des données épidémiologiques montraient que les personnes, les populations qui continuaient à être vaccinées contre le BCG, alors que le vaccin n'est plus obligatoire en France et dans une partie de l'Europe depuis un certain temps, eh bien justement, ce vaccin contre le BCG, qui est un bacille atténué, justement stimulerait cette immunité acquise, l'entraînerait en quelque sorte un peu comme des militaires qu'on entraîne avant la guerre. Je me souviens de cette image-là, Éric. Patrick Vivier. Et ce qui pourrait aussi être une partie de l'explication, et ce sera d'ailleurs ma question suivante, sur, d'une certaine manière, la meilleure résistance des enfants au SARS-CoV-2. Éric Vivier. Alors, effectivement, cette notion de trained immunity, hein, d'immunité entraînée, est une notion qui est extrêmement intéressante. Je partage tout à fait l'avis d'Alain Fischer. Aujourd'hui, au-delà de certaines expériences, en particulier dans les modèles animaux qui mettent effectivement sur cette voie, qui supportent cette hypothèse, il n'y a pas, à ma connaissance, de données solides suffisantes à l'heure actuelle chez l'homme. Et c'est bien dommage parce que ça pourrait effectivement supporter ce que vous dites, c'est-à-dire expliquer des énigmes encore non résolues de la protection de certaines catégories d'individus vis-à-vis de telle ou telle infection. Cela dit, il y a quand même des expériences, encore une fois, in vitro qui sont intéressantes, en particulier sur des cellules dont on a parlé un tout petit peu au départ quand on a présenté les différents acteurs de l'immunité. Donc, je vous rappelle qu'il y a les lymphocytes T et B qui font partie de l'immunité adaptative, mais aussi des lymphocytes qui font partie de l'immunité innée, qui s'appellent les cellules natural killer. Et dans certains modèles animaux, il a été montré qu'effectivement, les cellules natural killer qui sont issus d'une souris qui a été infectée par un virus, eh bien, ont une certaine capacité de mémoire qui ressemble, avec beaucoup de guillemets, hein, et par certains égards, à l'immunité qui est celle des lymphocytes T, entraînée aussi, ou mémoire également. Donc, il y a des données intéressantes, mais qui restent à être consolidées chez l'homme. Une question alors peut-être aussi, puisque c'est évidemment avec la reprise, la réouverture d'une partie des écoles aujourd'hui, et une question sur laquelle le message, je pense, était relativement confus pour beaucoup de citoyennes et de citoyens, c'est celle justement de d'une certaine forme de résistance, on va dire, ou en tout cas de possi-symptomaticité des enfants, c'est-à-dire le fait que les enfants ne déclarent dans leur très très large majorité, que des formes légères, voire asymptomatiques de la maladie. Et donc, on nous a dit au début qu'il serait peut-être un foyer infectieux, pour finalement nous dire qu'au contraire, qu'il joue certainement très peu de rôle dans la transmission de la maladie. Pourquoi est-ce que les plus jeunes ont une réaction immunitaire différente de celle des adultes, d'autant plus que chez les enfants, en fait, tout pathogène rencontré est un peu comme pour les adultes le SARS-CoV-2, c'est-à-dire un nouveau pathogène pour leur organisme. Alain Fischer. Oui, alors les faits sont là, indiscutablement, les données, les premières données chinoises, puis c'était confirmé partout dans le monde où le virus ou la pandémie donc est à l'œuvre. Les enfants sont peu touchés. D'abord, il y a relativement peu d'enfants chez lesquels on trouve du virus, et ensuite, et c'est encore une meilleure nouvelle pour eux, ils ne font que de façon exceptionnelle, absolument exceptionnelle, des formes graves, on peut y revenir tout à l'heure si vous voulez, ou des formes un tout petit peu particulières de la maladie. Donc, le constat est là, ils produisent peu de particules virales, ce qui suggère qu'ils le contrôlent très très vite. Ils sont peu infectants, encore qu'il faut être prudent hein, néanmoins. Il faut garder les mesures de précaution dans les écoles, c'est absolument évident. Il faut être très très prudent, on ne peut pas dire qu'ils soient non contaminants, ils le sont moins, ce qui n'est pas la même chose. Pourquoi il en est ainsi ? Alors là, honnêtement, on ne sait pas. Il y a peu l'hypothèse qu'on vient d'évoquer à l'instant de l'immunité entraînée pour éventuellement jouer, si on pense aux enfants qui, comme chacun le sait, dans les premières années de vie, font beaucoup de rhumes les uns après les autres, sont en contact avec toutes sortes de virus, notamment en collectivité, et donc ceci pourrait entraîner un certain état de veille, entre guillemets, de leur système immunitaire qui les rendrait plus actifs lorsqu'un nouveau virus arrive, comme celui-ci, mais c'est vraiment très spéculatif, on n'en a aucune idée à ce jour. On peut voir les choses en miroir, à l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas les enfants qui sont plus résistants, ce sont les adultes et surtout les personnes âgées qui sont plus fragiles. Vous voyez, c'est l'image en miroir, et on sait que les personnes âgées ont un système immunitaire qui progressivement devient moins efficace. On sait que les personnes âgées souvent ont des maladies chroniques, et des maladies chroniques qui ont été montrées aujourd'hui par les données épidémiologiques comme étant des facteurs de risque de gravité de l'infection Covid-19, comme le sont la surcharge pondérale, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Et toutes ces maladies qui sont assez fréquentes, évidemment, ou ces états qui sont assez fréquents, on sait qu'ils jouent sur le système immunitaire. Notamment, ils sont relativement pro-inflammatoires, et peut-être que, par exemple, ils favorisent le fait qu'une inflammation excessive dans le contexte de l'infection et qui rend la maladie grave, alors que ceci ne joue pas chez les enfants qui, sauf exception, ne sont pas soumis à ces facteurs de risque. Donc il est possible que ce soit simplement, entre guillemets, l'absence de facteurs de risque liés aux comorbidités, comme on dit, chez les enfants qui les protègent. Mais il est possible aussi qu'il y ait d'autres facteurs qui ne soient pas connus pour l'instant. Éric Vivier. Oui, non, je voudrais simplement rajouter peut-être sur l'infection Covid qu'on peut très schématiquement quand même diviser deux phases qui vont avoir des répercussions cliniques très différentes entre les patients qui sont infectés par le virus SARS-CoV-2. Il y a une première partie de la réponse immunitaire qui est à l'évidence une réponse protectrice. Et on a détaillé dans la première partie de l'émission les mécanismes qui peuvent être à l'origine de cette protection, que ce soit en particulier les anticorps ou les cellules cytotoxiques, donc comme les cellules T cytotoxiques ou comme les cellules natural killer dont on a parlé un tout petit peu. Et puis ensuite, et sans qu'on sache véritablement encore tous les mécanismes, mais on commence à en connaître certains, chez certains patients vont se déclencher une série d'événements qui vont aboutir à un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui va conduire certains patients en réanimation. Et ce qui est intéressant, c'est de bien donc distinguer ces deux phases de la réponse immunitaire et donc pour imaginer aussi quels peuvent être les traitements qui peuvent prendre en charge ces différentes phases. Et je voudrais rajouter quand même un élément qui me semble important et qu'on n'a pas présenté dans notre introduction générale à la réponse immunitaire, ce sont les molécules du complément. En fait, il existe des molécules qui sont solubles, qui circulent dans l'ensemble de l'organisme. Et pour les molécules du complément, il s'agit d'une petite trentaine de molécules qui ont des activités qui sont augmentées après leur clivage. Donc classiquement, hein, ces molécules portent des numéros, donc on ne va pas rentrer dans un cours approfondi sur le complément, mais par exemple la molécule C5 qui va être activée à un moment dans le complément, elle peut donner naissance à deux molécules quand elle est coupée à C5A et C5B. Et il se trouve que nous avons en particulier étudié ces molécules-là très récemment dans le cadre du SARS-CoV-2 et c'est supporté aussi par des résultats d'autres équipes, en particulier en Chine, qui montre que au-delà de tous les facteurs dont certains on va reparler, par exemple comme l'interleukine 6, hein, qui font partie des molécules, qui font partie de cette tempête cytokinique. On va y revenir dans un instant, justement. La molécule C5A pourrait faire partie des facteurs qui déclenchent la réponse inflammatoire. Voilà. Alors justement, peut-être que c'est intéressant, puisque maintenant qu'on est un peu familiarisé avec les différents termes et les différents acteurs de cette réponse immunitaire, on en a beaucoup parlé, effectivement, de cette tempête de cytokines qui donc serait la bascule, hein, finalement, parce que vous parliez de deux phases de l'infection au Covid-19. On parle en général d'une phase virologique dans un premier temps avec réplication très nombreuse du virus, et puis d'une deuxième partie qui est la partie inflammatoire, et c'est le moment justement où la réponse inflammatoire que l'on évoquait tout à l'heure, d'un seul coup, s'emballe et provoque des cas graves et justement cet effondrement et cette pneumopathie qui peut conduire jusqu'à la réanimation, voire jusqu'au décès des patients. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain Fischer, est-ce qu'on est sûr que cette tempête de cytokines est une réalité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelques doutes. On voit qu'il y a quelque chose d'une réaction inflammatoire, mais on ne sait pas très bien finalement ni comment ni pourquoi elle est provoquée. Est-ce que je me trompe? Que ce soit une réalité dans les formes graves de la maladie, heureusement ça ne concerne pas tous les patients, oui absolument, il y a de multiples données accumulées en quelques semaines qui montrent qu'il y a toute une série de cytokines, pas n'importe lesquelles, hein, c'est l'interleukine 6 en premier lieu auquel il a été fait allusion, une autre substance qui s'appelle le TNF, des substances attractrices, les chémokines, dont je vais dire un mot tout à l'heure, qui attirent les polynucléaires et les macrophages probables, les monocytes probablement dans les poumons au lieu de l'infection, les protéines du complément dont Éric Vivier vous parlait il y a un instant, font que... Et tout ça, ce sont des molécules pro-inflammatoires, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire dans un... Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que non, c'est pas grave, mais que la production in situ, locale notamment, mais ensuite il y a une diffusion bien sûr dans tout le corps au niveau des poumons, attire des cellules au contact d'un poumon qui est abîmé. Le poumon, il est doublement abîmé, malheureusement. Probablement, ceci a de l'importance. D'une part, donc, parce que les cellules épithéliales, donc les cellules qui bordent les alvéoles des respiratoires, sont attaquées, sont infectées par le virus. Et donc, elles sont abîmées, tuées, soit directement, soit tuées par la réponse immunitaire. Mais il y a une autre catégorie de cellules qui est attaquée par le virus, qui sont les cellules endothéliales, c'est-à-dire celles qui bordent les vaisseaux. Et cela a pour conséquence qu'il y a une fuite de liquide hors des vaisseaux, et donc ça peut favoriser l'œdème dans les poumons, et aussi favoriser, avec l'attraction par les chémokines, le fait que des cellules du système immunitaire entrent dans les poumons et provoquent donc localement une réponse inflammatoire qui n'est plus appropriée à la défense anti-infectieuse, qui est extrêmement toxique et qui font que les poumons ne fonctionnent plus, sont noyés de liquide et de cellules, pour être très schématique. Éric Vivier, sur cette tempête de cytokines, on sait aujourd'hui, on comprend les mécanismes de ce qui la provoque? Alors, pas encore de manière complète, mais par contre, ça a poussé beaucoup de laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, d'essayer certains traitements, puisqu'en réalité, devant cette infection, il y a quand même une urgence médicale, et on peut évidemment penser au médicament absolu, qui serait même pas un médicament au sens strict du terme en termes de traitement, mais plutôt quelque chose de préventif qui serait le vaccin, et j'espère qu'on va en reparler, mais pour autant le vaccin c'est pas pour demain, le vaccin ça demande du temps bien évidemment, et donc d'aucuns se sont posés la question de repositionner des médicaments qui sont déjà disponibles pour les patients en fonction des données qui pouvaient être obtenues à partir de l'observation de la réponse immunitaire chez ces patients. Et donc, en particulier, comme on vient de rappeler qu'il y a deux phases, schématiquement, une phase où le système immunitaire va être bon, il va être protecteur, une phase dans laquelle le système immunitaire devient trop inflammatoire et peut être délétère, eh bien, d'aucuns ont essayé de repositionner des médicaments, soit pour stimuler la réponse immunitaire pour qu'elle soit encore plus antivirale, et au contraire, dans certaines phases de la maladie, de bloquer la réponse immunitaire quand elle est trop inflammatoire. Et donc, on sait effectivement, enfin, on va bientôt savoir de manière ferme, j'espère, quels sont les résultats du blocage d'une cytokine qui semble importante, qui est l'interleukine 6, puisque de nombreux laboratoires à travers le monde ont essayé donc de bloquer l'orage inflammatoire à travers le blocage de l'interleukine 6. D'autres essayent de bloquer d'autres voies, comme nous par exemple, on essaye de bloquer à l'heure actuelle la voie du complément, la voie du C5a, puisque des résultats préliminaires obtenus chez des collègues chinois ont montrer que le blocage de la voie C5a sur un tout petit nombre d'individus, pour l'instant, permettait d'avoir des résultats cliniques spectaculaires. Donc, en fin de compte, la preuve de l'implication de telle ou telle molécule va être en partie obtenue directement à partir des résultats cliniques. Étant entendu que tout cela est certainement beaucoup plus multifactoriel, ou est-ce qu'on pense que juste en arrivant à cibler justement un principe pro-inflammatoire précis, on réussirait justement à casser cette espèce de cascade inflammatoire que l'on constate, Éric Vivier? On ne sait pas, encore une fois, c'est toute la difficulté de savoir déjà qu'est-ce qui est modifié lors de l'infection et qu'est-ce qui va être causal de la pathologie. Et on peut avoir quelque chose qui est effectivement modifié lors de l'infection sans qu'il soit causal. Et c'est pour ça que je dis qu'une partie de la réponse va être obtenue à travers les essais thérapeutiques, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas encore véritablement de modèle animal qui soit suffisamment convaincant pour pouvoir être testé, en tout cas pas suffisamment disponible pour être testé à grande échelle. Je précise que l'une des prochaines chroniques cette semaine justement concernera cette question du repositionnement de médicaments, qui est l'une des stratégies de recherche et dont on va essayer de vous parler, de vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Avant de parler de la vaccination, en un mot peut-être, Alain Fischer, alors en un mot, utilisez le nombre de mots que vous souhaitez évidemment, mais j'aimerais peut-être qu'on dise un mot de quelque chose qui a surgi aussi à de nombreuses reprises et qui est un peu préoccupant, notamment dans l'idée d'une possible réinfection ou deuxième infection a posteriori après la première, c'est celle des anticorps facilitants. Qu'est-ce que c'est que les anticorps facilitants, Alain Fischer? Alors, c'est en pathologie humaine, il y a une situation, une maladie infectieuse où ces anticorps facilitants rendent la maladie infectieuse plus grave la seconde fois, ce qui est paradoxal, ce qui est la dengue, où ce sont des anticorps en gros qui ne sont pas neutralisants, donc qui n'empêchent pas ou mal l'infection par le virus, mais qui, en se fixant au virus et par la partie constante de l'anticorps aux cellules phagocytaires dont on a parlé tout à l'heure, entraîne une inflammation excessive. Donc c'est un phénomène paradoxal. Donc il est clairement documenté dans le cas de la dengue, et ça a posé quelques difficultés, je l'espère surmontables, concernant la vaccination contre la dengue. Est-ce qu'il risque de survenir concernant le SARS-CoV-2 ? J'en ne sais strictement rien. J'espère que non. Il y a quelques données avec d'autres coronavirus qui suggèrent de tels phénomènes. Ce qui est sûr, c'est que cela implique une grande prudence dans le développement des vaccins. Il faudra étudier cela de près. Alors, il y a une étape intermédiaire qui va aider un tout petit peu. Ce sont des essais thérapeutiques en cours avec soit le plasma de sujet convalescent, soit des anticorps purifiés à partir du plasma de sujet convalescent, donc de personnes qui ont développé des anticorps contre le virus, et on essaye d'utiliser ces anticorps pour amoindrir ou limiter l'infection. Je pense qu'on devrait avoir assez vite des résultats de ces traitements. Si ces traitements s'avéraient efficaces, ce serait une bonne nouvelle, elles le seraient doublement, parce qu'elles montrent qu'il y a des anticorps neutralisants utilisables et produits par des malades, et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de facilitation, apparemment. Éric Vivier, sur ce sujet ? Non, rien de plus. Effectivement, on est tous confrontés devant l'urgence médicale. On aimerait tous que ça avance vite. On aimerait tous répondre à toutes ces questions qui sont légitimes. Malheureusement, on n'a pas encore toutes les données. Et donc, il faut prendre un petit peu de temps. Voilà. Je précise qu'on refera certainement dans les prochains jours ou les prochaines semaines une émission entière consacrée à la vaccination, parce que là, il nous reste trop peu de temps pour vraiment aller au fond de ce sujet et de voir en fait quelles sont aujourd'hui non seulement les différentes stratégies, mais aussi les différentes limites de certains modèles ou de candidats vaccins qui ont été testés. Peut-être juste quand même une question à ce propos. Il y a une certaine inquiétude qui s'est exprimée sur le fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres coronavirus que l'on connaît, notamment des coronavirus humains, et il n'y a aucun vaccin qui a été développé jusqu'en phase finale des essais cliniques sur un coronavirus humain. Ça veut dire qu'on ne sait pas vacciner aujourd'hui contre un coronavirus, Alain Fischer ? Non, je pense que là, il y a un biais énorme quand même. C'est le fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de pandémie par des coronavirus. Il y a eu une infection très grave chez quelques malades, quelques milliers de malades qui a été le SARS en 2003 en Chine. Il y a eu ensuite le MERS dans la péninsule arabique. Mais à chaque fois, comme l'infection a été limitée, les efforts de développer des vaccins se sont arrêtés. Il n'y a pas eu cet énorme investissement tel qu'il se produit aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a plus de 100 projets dans le monde, entre le monde académique et le monde industriel, qui partent toutes sortes de stratégies différentes, donc on n'a pas le temps de les évoquer aujourd'hui, mais il y a plein d'idées différentes, et c'est bien que les idées foisonnent, parce que plus on a d'approches différentes, plus on a de chances d'aboutir à un vaccin. Donc je ne sais pas, j'espère, et évidemment je ne sais pas si un vaccin ou plusieurs vaccins seront obtenus, mais je ne pense pas qu'il faille prendre l'argument de l'absence de vaccin contre les autres coronavirus comme un élément négatif. Éric Vivier, il y a des travaux, notamment des travaux chinois, qui laissent entendre qu'on s'est beaucoup, peut-être trop focalisé sur l'immunité humorale, donc les anticorps, l'adaptative, et que finalement, on a sous-estimé en quelque sorte l'importance de l'immunité cellulaire. Qu'en pensez-vous ? Non, je pense pas qu'on l'ait sous-estimé, c'est juste une question de moyens pour le tester, pas de moyens financiers, hein, mais d'outils technologiques. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pour analyser la réponse immunitaire T, il faut des outils qui sont généralement plus sophistiqués que ceux dont on a besoin pour tester la présence d'anticorps ou même l'aspect séroneutralisant de certains anticorps. Mais il y a de nombreux travaux qui ont lieu à l'heure actuelle, qui justement vont tester l'implication de la réponse T. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il faille faire créer des barrières entre ces différentes formes de la réponse immunitaire. La réponse immunitaire est un tout complexe qui fait intervenir plusieurs cellules dans des cinétiques particulières et qui comprend l'immunité innée, comme on l'a dit, les molécules solubles comme complément, comme on a dit, l'immunité T, et les uns et les autres interagissent de telle manière à avoir une réponse immunitaire finale. Donc on ne sous-estime pas l'importance de l'immunité T. Merci beaucoup Éric Vivier, merci Alain Fischer, merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie pour nous expliquer, détailler et rentrer un peu justement dans la précision de ces différents aspects de la réponse immunitaire. J'espère que ça aura été éclairant pour tout le monde. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous pour cette reprise de la méthode scientifique en direct sur France Culture. Merci évidemment à toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Olivier Béard, Olivier Bétard, et non, Évidemment, avec un T, c'est tout de même mieux. De retour à la réalisation, c'est la guitare qui me trompe. Merci Olivier d'être revenu et Jean-Frédéric à la technique. Allez, je vous donne un aperçu rapide de ce que nous vous avons concocté pour cette semaine de reprise. Demain, nous parlerons des 30 ans du télescope spatial Hubble. Mercredi, nous reviendrons sur ce qu'est le suivi social et les applications de tracking. Jeudi, nous essaierons d'estimer les conséquences de l'épidémie et du confinement sur l'ensemble du monde de la recherche. Et vendredi, eh bien, nous poursuivons les rediffusions de nos émissions de science-fiction avec, pour un week-end spécial cinéma sur France Culture, une réécoute de l'émission consacrée à la saga Blade Runner. On se retrouve demain matin à 8h55 pour une nouvelle radiographie du coronavirus et ensuite à 16h pour un nouvel épisode en direct de la méthode scientifique. Et comme d'habitude, jusqu'à preuve du contraire.